voilà si près de vous deux. Dis-moi qui l'aurait cru. J'entends déjà son petit souffle. Bientôt quelqu'un m'appellera papa. Tu peux compter sur moi dès maintenant. Je suis prêt à changer mon comportement. On fera tout ce qu'on pourra. Dans quelques mois nous serons. Je serai là dans ta vie. Je serai là dans ta vie. Même quand tu me réveilleras la nuit. Même quand tu me réveilleras la nuit. Je serai là dans ta vie. Je serai. Même quand tu me réveilleras la nuit. Même quand tu me réveilleras la nuit. Mon baby, ça a été très dur pour nous. J'espère que notre bébé aura ton beau sourire. Et on y arrivera. Ne calculons pas les jaloux. Je serai un modèle. Sache que ma chérie, je t'aime. Tu seras plus toute seule, à trois nous ferons qu'un. Tu diras à tous ceux qui parlaient sur nous. Tu ne seras plus toute seule, à trois nous ferons qu'un. Tu ne seras plus toute seule, non plus toute seule. Tu diras à tous ceux qui parlent pour rien au monde, je vous laisserai. Un royaume, je vous construirai. Un modèle, c'est ce que je serai. Pour vous, je serai là. Pour rien au monde, je vous laisserai. Un royaume, je vous construirai. Je veux apprendre à te connaître. Je serai ton héros, je serai ton papa. Le guerrier de tous tes combats. Tu changeras ma vie, j'ai plus le droit au faux pas. Je serai là, tu peux compter sur moi. Je calmerai tous tes cris, t'assisterai à tes premiers pas. Et tu porteras mon nom et je serai ton ombre. Mon baby, viens, je t'attends. Tu seras plus toute seule, à trois nous ferons qu'un. Tu diras à tous ceux qui parlaient sur nous. Tu ne seras plus toute seule, à trois nous ferons qu'un. Tu seras plus toute seule.